denn die Toten reiten schnell. Car les morts voyagent vite. Dracula, de Bram Stoker, librement adapté par Stéphane Michaka, avec l'Orchestre National de France. Enregistré en public au Studio 104, les 26 et 27 juin 2015. Musique originale et direction d'orchestre, Didier Benetti. Réalisation, Cédric Ossir. Qui est là ? Van Helsing ! Je vous ouvre. Vous êtes Mina ? Mina Harker ? Oui. Votre mari est ici ? Il dort. Nous sommes rentrés hier de Budapest. C'est donc vous, l'ami du docteur Seward. Il vous appelle son mentor. Il dit que vous êtes le seul à Madame pouvoir... Harker, le temps presse. Seward m'a parlé de notes sténographiées. Elles sont ici ? Le journal de Jonathan. Il l'a tenu pendant sa captivité. L'écriture tremble, mais j'ai tout déchiffré. Lisez-le-moi, avant que Jonathan se réveille. Vous ne m'emmenez pas voir Lucie ? Vous la verrez plus tard. A-t-elle toujours de la fièvre ? Lucie est comme une sœur pour moi. Je n'aurai pas l'esprit tranquille tant L'esprit que... est sorti de ses gonds, Madame Harker. Ne comptez plus sur la tranquillité. Mais... Le mal dont souffre Lucie a peut-être son origine dans les notes de votre mari. Lisez-les, Mina. Il est encore temps. Le 30 juin... Minuit. Voilà que j'entends à nouveau ce rire argentin, musical. Ce tintement qui se propage dans les couloirs du château. Hier, tandis que la diligence me conduisait ici, je me rappelle distinctement avoir eu la sensation de quitter l'ouest pour m'enfoncer dans l'est. À peine finissaient les collines du Mittelland que les pics des Carpates surgirent devant nous. Le soleil diminua. Et les roches escarpées furent avalées par l'ombre et la nuit. Je me sentis gagné par une peur irraisonnée, une frayeur d'enfant. Je me consolais en pensant à Mina. Assise en face de moi, une vieille paysanne, une de ces femmes hantées de superstition, murmurait les mots « Ordog » et « Nosferatu ». Elle insista pour enrouler autour de mon cou un crucifix en bois. Je cherchais des yeux les sourires moqueurs des autres passagers. Ils s'étaient tous mis à trembler. La paysanne refusa la pièce que je lui tendais pour sa breloque. J'avais hâte de quitter ces gens pour la compagnie du comte, mon client, dont je devinais au message qu'il m'avait laissé à l'auberge le raffinement aristocratique, l'élégance des manières et le goût. Mon ami, bienvenue dans les Carpates. Je vous attends avec impatience. Dormez bien cette nuit. Demain à 15h, la diligence partira pour la Boucovine. Une place vous y est réservée. Au col de Borgo, un fiacre vous attendra pour vous conduire jusqu'à moi. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans mon merveilleux pays. Votre obligé, Dracula. Je lui portais l'acte d'acquisition d'une abbaye en Angleterre. J'étais loin de soupçonner que mon séjour allait se transformer en une longue nuit d'effroi. Bienvenue chez moi, monsieur Harker. Le soir de mon arrivée, il me servit un délicieux repas, agrémenté du meilleur vin du pays. Le comte avait déjà dîné et ne but pas la moindre goutte. Je buvais beaucoup autrefois. Je buvais pour oublier. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Imaginez ce que peut être une vie aussi retirée que la mienne, en apparence sans tourment. Le sang dans mes veines ne devrait plus bouillir. Connaître l'impatience, le désir ou l'envie. Que dit-on déjà dans votre pays des hommes qui touchent les rives de la vieillesse? On dit qu'ils deviennent plus sages. Mais je ne veux pas être sage. Je ne veux pas me rabougrir. Tenez, j'échange tous mes souvenirs, mes vieux souvenirs usés comme ces tentures, contre une journée dans le tohu-bohu de votre capitale. N'est-ce pas ce que vous faites en achetant l'abbaye de Carfax? Merci. Carfax, ah oui, l'Angleterre. À force de me renseigner sur votre pays, j'ai appris à l'aimer. Vous vous sentirez comme chez vous. La société anglaise est fortement stratifiée et je vous indiquerai les clubs. Non, pas les clubs, pas de privilèges. En Transylvanie, je suis un boyard, un noble. Le peuple me craint, je suis le maître. Mais à Londres, je voudrais n'être personne. Apprenez-moi les prononciations que je me fonde dans la foule. Comme vous voudrez. Nous avons un mois pour le faire. Un mois? Il veut me garder prisonnier. Vous vous êtes entaillé le pouce? Le sang à humecter vos lèvres. Il y a risque d'infection. Permettez-moi... Non. Il était venu tout près. Ses yeux brillaient d'un éclat froid et dur. Je vis entre ses lèvres deux canines aiguës d'une blancheur d'ivoire. Vous entendez? Ce sont les enfants de la nuit. Un chasseur est touché par cette musique. Vous ne chassez pas, monsieur Harker? Je crois qu'il vaut mieux que je regagne ma chambre. La nuit, ne quittez pas votre chambre, monsieur Harker. Les courants d'air font leur sabbat dans le château. Les jours suivants, je ne croisais pas âme qui vive. Qui serait resté dans cette bâtisse en ruine, penchée au bord d'un précipice et dont j'entendais les créneaux s'effriter, perdre leurs pierres qui roulaient interminablement vers les douves? Des pensées morbides m'envahissaient. J'étais moi-même une de ces pierres et je m'enfonçais dans une eau lourde en écoutant les sirènes qui semblaient m'appeler du fond de leur grotte avec des soupirs de sainte et des promesses de baiser. Jonathan? Puis le souvenir de Mina, son visage aimé, me rappelait à la vie. Je n'avais dormi qu'une heure au plus. Plus d'une fois, en allant boire l'air du dehors par la lucarne en ogive, je crus distinguer une silhouette qui rampait le long de la muraille. Elle descendait vers les cimes des sapins, agitait leurs ramures et se fondait dans l'obscurité. Au réveil, je secouais cette vision comme un rêve absurde. J'enfilais mes habits de notaire et attendais le retour de mon hôte. Il ne se montrait que la nuit tombée. Le comte me rejoignait dans sa bibliothèque où je feuilletais un livre sur les voïvodes de Transylvanie, ces cruels chefs de guerre qui empalaient leurs ennemis. Bonsoir, monsieur Harker. Nous passions en revue, un à un, les actes authentiques par lesquels le comte se portait acquéreur de l'abbaye de Carfax. Je me réjouis qu'il y ait une chapelle dans l'abbaye. Nous autres, nobles de Transylvanie, n'aimons pas être inhumés parmi le commun des hommes. Sa voix, tantôt suave et tantôt cruelle, me causait un inexprimable malaise. À quoi pensez-vous, monsieur Harker? À ma fiancée, Mina. Celle dont vous avez le portrait dans votre chambre? Il y est entré. Je fis oui de la tête. Une si jolie femme, monsieur Harker. Vous êtes le plus heureux des hommes. Ou vous le deviendrez quand elle sera votre épouse. Mina Harker. Mina Harker. Je serrai les dents en l'écoutant répéter le nom de ma fiancée. Mina. Cela n'avait rien d'un simple exercice de prononciation. On aurait dit qu'il jetait un sort. Mina. Ou qu'il s'emparait en roulant ses syllabes dans sa bouche de ce que j'avais de plus précieux. Mina. 3 juillet. L'idée qu'il peut s'introduire dans ma chambre, contempler ma fiancée, et qui sait, lire les notes où je relate mon séjour, cette idée me révulse. J'ai décidé de sténographier mon journal, de le rédiger en signe que Mina, s'il devait m'arriver malheur, serait capable de déchiffrer. 10 juillet. Le sommeil me fuit. Pour ne pas être à la merci du comte, je ne quitte plus ma chambre. J'ai remis autour de mon cou le crucifix de la vieille paysanne. Un horrible pressentiment me dévore. Une fièvre, un délire, me jette dans des transes où je crois entendre, s'élevant dans la cour du château, des échafauds, des potences, les pieux d'un empaleur revenu d'entre les morts. 15 juillet. Toutes les portes sont closes. Aux abords du château, les loups rôdent comme des sentinelles. Il y a sûrement un passage, une issue. Je dois m'évader, coûte que coûte. Je me suis levé avant l'aube. J'ai rassemblé mes forces et mon journal. Pour qui vous rasez-vous, monsieur Harker? Je sens son souffle glacé sur ma nuque. Dans le miroir, le comte n'est pas visible. Je me retourne, il est penché sur moi. Cette goutte de sang à votre joue, je me propose... Non! Ses doigts ont effleuré mon crucifix. Quel... dommage que notre camaraderie n'ait pu explorer d'autres voies. Je vois de mes yeux le comte métamorphosé en une bête hideuse. Elle s'envole par la lucarne. Dans la cour, une charrette se met en branle. Je passe la tête au dehors et aperçois son chargement. Des dizaines de boîtes longues comme des cercueils. Elles s'entrechoquent en laissant échapper de la terre. De la terre et des rats. Le cocher à la silhouette du comte. Je ferme les yeux d'horreur et j'entends la grille retomber après lui. De la terre et des rats. Où les emporte-t-il? Quant à moi, je suis enfermé ici, seul dans ce château. Je suis seul dans le château. Je suis seul. Je suis seul! Le journal s'interrompt ici. Jonathan a fui en escaladant les remparts. Des religieuses l'ont recueilli à 20 lieues du château et l'ont transféré dans un hôpital à Budapest. C'est là que vous l'avez rejoint? La chandelle va s'éteindre. Laissez-moi la changer. Vous êtes parti seul, si loin? Sans hésiter un instant? Je ne savais pas si j'allais le revoir vivant. Tout le long du voyage, d'horribles pensées m'accompagnaient. À Budapest, dans le premier fiacre où je suis montée, une bohémienne fredonnait. Je crois être une femme moderne, à l'abri des superstitions, mais en écoutant cette mélodie, je n'ai pu m'empêcher de penser si elle cesse de fredonner, si elle s'interrompt maintenant, je ne reverrai plus Jonathan, ou ou le revers est mort. S'est-elle interrompue ? Je ne voulais pas croiser son regard. Elle a braqué ses yeux sur moi. Pour conjurer le sort, j'ai épousé Jonathan sur son lit d'hôpital dans la minute où je l'ai rejoint. Seriez-vous devenue superstitieuse, Mina ? Nous avons entendu là-bas toutes sortes d'histoires et des noms étranges, désignant des esprits, des démons. D'habitude, il ne voyage pas d'est en ouest. Jonathan a trouvé des papiers dans le château. Le comte Dracula a acquis plusieurs propriétés en Angleterre, une à Carfax, une autre à Londres. Se peut-il qu'en embarquant à Varna, il ait atteint nos côtes quelques semaines plus tard ? Par vent très favorable, oui. J'ai découpé ceci dans le journal. Voulez-vous que je le lise ? Il s'agit peut-être de superstitions colportées par les marins. Chez nous, à Amsterdam, les récits des marins sont paroles d'évangile. Whitby, le 7 août. La nuit dernière, une tempête sans précédent a fouetté les côtes de notre pays. On aurait dit que la nature entière en était convulsée. Au port, les pêcheurs s'assemblent pour vérifier que nul ne manque à l'appel. Tous les bateaux sont à l'ancre. On voit alors, sur l'océan déchaîné, une goélette ballottée par les flots. Des tourbillons d'écume menacent de l'engloutir, mais elle ne dévie pas de sa course. Les vagues, toujours plus violentes, s'écrasent dans un tumulte indescriptible. Certaines montent si haut qu'elles poussent jusqu'au ciel. La goélette, contre toute attente, en réchappe et touche le port. À cet instant, une bête écumante, un immense chien noir surgit de la cale et bondit sur le quai. Nos lanternes sont soufflées, comme si l'haleine glacée de la mer en franchissait les parois. On amarre la goélette. Les gardes-côtes montent à bord, bientôt suivis d'une foule curieuse. La brume se dissipe et nous découvrons... Spectacle horrible. Un cadavre debout, les poignets attachés au gouvernail. Ce mort, au visage livide, nous fixant de ses yeux élargis, n'est autre que le capitaine du navire. Un chapelet enroulé à ses doigts laisse pendre un crucifix. Le plus haut mât s'effondre, le cadavre et ses nœuds, la barre qui le soutient, les voiles. Tout se fige. Le vent siffle. Ou peut-être les loups. Dans la cale, pour toute cargaison, des caisses remplies de terre où l'on croit voir des cercueils, tant l'atmosphère nous y invite. Ces caisses sont les seuls rescapés du naufrage. Ils auraient dû les précipiter à la mer. Ils auraient dû les jeter au fond de l'océan. Pourquoi dites-vous cela ? Vous le saurez assez tôt. Ont-ils retrouvé le journal de bord ? Un fragment, il accompagnait l'article. Je l'ai découpé et collé dans mon carnet. Vous aviez un pressentiment ? La goélette venait de Varna, un port en Bulgarie. Mais surtout, ces mots me hantaient. Quels mots ? Ceux du capitaine. Je croyais entendre sa voix. Non, pas une voix. Une lamentation. 24 juillet. Une malédiction plane sur ce navire. Une plainte voguant de détroit en détroit. Les mouettes qui nous accompagnaient depuis la mer d'Alboran se sont envolées une à une. L'équipage à ce jour n'est plus que de 5 hommes. Passé Gibraltar, Une brume étrange s'est levée. Elle s'étire de voile en voile comme une toile d'araignée. Le second est de plus en plus nerveux. Les matelots les plus vaillants, ceux sur lesquels je voulais m'appuyer, sont tombés les premiers. Nuit après nuit, ils prenaient leur quart. À l'aube, on ne les revoyait plus. Se peut-il qu'une présence sournoise, un passager clandestin, les ait jetés à la mer ? Juillet. Depuis que nous voguons dans la baie de Biscaye, le fog a envahi le pont. Il s'infiltre partout, pénètre les mailles de nos habits. J'ai cru un moment que ce brouillard poisseux sortait des écoutilles. Quand j'ai appelé les hommes de garde pour vérifier notre cargaison, les 50 boîtes de terre embarquées à Varna, ils manquaient tous deux à l'appel. Nous ne sommes plus que trois. Un matelot nommé Orloff, le second, et moi-même. Je vais prendre la barre. Froid. Brouillard. Angoisse. 2 août. Nous parvenons à hauteur de Douvres. Le second est devenu fou. Il s'en est pris au matelot, au plus faible d'entre nous. Après avoir crocheté 10 caisses à la recherche du coupable, un clandestin qu'il appelait Hordog, comme si Satan était caché dans notre cale, le second a brandi un couteau et éventré le matelot, dont c'était le premier et l'ultime voyage. Craignant qu'il ne s'en prenne à moi, j'ai tiré 2 coups de feu à travers le brouillard. Les projectiles ont été aspirés par la brume qui s'est reformée aussitôt. J'entends le second derrière moi. Je fais volte-face et je vois le pauvre homme, blême, plus horrifié que moi. Il semble n'avoir plus de sang dans les veines, mais il est enduit, poisseux, comme une peau retournée, du sang du matelot. « Ce n'était pas Orloff !» hurle-t-il. Et je le vois glisser à reculons, ou plutôt être happé par une force irrésistible vers le bastingage, d'où il bascule dans les flots. Août. Engourdi par le vent, le sel, le froid, j'ai vu la créature. Je l'ai vu à travers le brouillard. Je vais nouer mes mains au gouvernail. Moi, capitaine du Déméter, je mourrai à mon poste sans craindre le démon. Dieu me protège. Froid. Brouillard. Ici s'interrompt le journal de bord. Noble marin, valeureux capitaine. Cela veut-il dire ? Il est parmi nous. Il ? Dracula. Jonathan l'a échappé belle. Il n'a été que l'instrument du comte. Il aurait pu être sa proie. La fièvre cérébrale l'a durement éprouvée. Mais votre mari est en vie. Réjouissez-vous, Mina. J'aurais voulu me réjouir, mais dans ce sombre hôpital... Vous êtes-vous mariée trop vite ? Dans notre pays, on compte 500 000 de femmes de plus que les hommes. 500 000 femmes célibataires, livrées à elles-mêmes. 500 000 femmes en trop. Vous vous sentiez en trop ? Je me sentais libre. Libre d'apprendre un métier et de me marier ensuite. Nous formulons des vœux. Et le destin les sténographie. Il réduit nos belles formules à des signes que nous ne reconnaissons plus. Jonathan ? Monsieur Harker, heureux de vous voir enfin. Mina, qui est cet homme ? Le professeur Van Helsing. Abraham Van Helsing. Le docteur Seward l'a fait venir d'Amsterdam à Londres pour soigner Lucie. Quand pourrais-je lui parler, professeur ? Vous ne pourrez pas lui parler. Comment ? Lucie n'est plus. Lucie ? Ma Lucie ? Malgré les transfusions, nous n'avons pu... compenser la perte de sang qu'elle a subie. Vous êtes professeur de médecine ? J'ai voué ma vie à l'étude de cas que la médecine ne peut résoudre, à des symptômes qui échappent aux catégories habituelles. Quelles catégories ? La vie, la mort. Mais en est-il d'autres ? Au moins une. Un état pire que la mort. Qu'est-ce qui est pire que la mort ? Une veille éternelle. C'est entre deux qu'on appelle Nosferatu. Nosferatu. J'avais entendu ce mot à Budapest. Jonathan le répétait dans ses cauchemars. Pour l'heure, nous n'en saurions pas plus. Minuit approchait. Le professeur nous fit traverser au pas de charge le cimetière de Highgate. Au-dessus des tombes, les ailes dressées des anges se découpaient dans la brume. Pour garder notre esprit alerte, Van Helsing commentait les épitaphes à voix haute. James Allman, voyageur aveugle. Karl Marx, philosophe turbulent. Je ne pouvais croire que Lucie, la compagne de mes jeux, n'était plus qu'une dépouille dans un mausolée de pierre. Julius Beer, homme d'affaires. Et sa fille, Ada, morte de consomption à 6 ans. Charmant prénom. Le docteur Seward s'était fiancé à Lucie 2 mois auparavant. Il la veillait dans ce mausolée qui brillait de 1000 cierges. Malgré les flammes qui empourpraient son visage, je n'avais jamais vu le docteur aussi pâle. Mina, Jonathan, docteur Seward. Cher docteur. Devons-nous les exposer à cela, professeur ? Nous avons besoin de leurs bras et de leur courage. Je vis la dépouille de Lucie sous un linceul, et au sol, étalé sur un sac de toile, un pieu, un maillet et un couteau à lame courbe. Vous allez l'autopsier ? Pas exactement. Je vais lui enfoncer un pieu dans le cœur et lui couper la tête. Mina ! Lucie repose en paix sous ce linceul, vous n'allez tout de même ce pas... Ce n'est que l'enveloppe de Lucie, Mina. Ce n'est pas elle. On ne profane pas une âme. Mein Gott, il est minuit. Minuit ? Seward, le pieu. Non. Désolé, Mina. Holster Teufel. Mon amour. Le suaire glissa lentement au sol. Lucie. Dans une vision de cauchemar, elle frissonna, se cambra, se dressa sur la pierre tombale. Arthur. Mon amour. Ses joues étaient blanches, comme le marbre. Ses yeux reflétaient la lueur des cierges. Elle était plus belle qu'au jour de ses fiançailles. J'ai cru que tu n'allais jamais venir. J'ai cru que tu me laissais pour morte dans ce tombeau glacé. Arthur, comme aimanté, s'avança vers elle. Seward, ne vous approchez pas. Donne-moi un baiser. Donne un baiser à ta jeune fiancée. C'est alors qu'elle m'aperçut. Mina, tu es venue ? Te rappelles-tu nos baisers d'écolière ? Comme ils étaient longs et sucrés. Te rappelles-tu, Mina, nos langues s'enchevêtraient ? Van Helsing brandit un crucifix et le pointa vers Lucie. Elle grimaça en montrant des dents aiguës, des gencives pâles d'où le sang avait reflué. Car le Seigneur est ton refuge ! Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu piétineras le tigre et le dragon. Au premier mot du psaume, elle se tordit comme un serpent. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour. Arthur ayant reculé, dans un sursaut de désespoir, elle se tourna vers moi. Méfie-toi, Mina. Ils en ont après toi. Sa voix était méconnaissable. Viens, viens que je te protège. C'est alors que je vis les marques sur sa gorge. Ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. 2 morsures à son cou. Donne ta main. Des plaies cerclées de blanc. Donne. Et s'il tombe 1000 filets à ta gauche, 10 000 à ta droite. Donne. Tu ne seras pas atteint. Je reculais. Il ne t'arrivera pas malheur. Épouvanté. Mina Harker. Mina Harker. Attention. À l'instant où le pieu transperça Lucie, je fermai les paupières. Mais je sentis sa douleur comme si elle était mienne. Car il chargera ses anges de te garder en tout chemin. Je rouvris les yeux et vis Arthur brandir la lame. Elle retomba comme un couperet. te garder en tout chemin. Un flot de sang se mêla aux derniers mots du psaume et cessa de couler sur les compliments de Van Helsing. Gentlemen, well done. Quelques minutes après, il faisait brûler la dépouille de Lucie. La tête, séparée du corps, était enroulée dans le linceul. Le professeur avait voulu l'examiner. J'essayais de deviner au pli du drap si les yeux de Lucie étaient tournés vers moi ou si je fixais son crâne. Van Helsing me demanda : Pensez-vous encore qu'il s'agissait de Lucie ? Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Mais j'ai cru voir s'ouvrir les portes de l'enfer et entendre les démons grouiller à l'intérieur. Première lueur de l'aube, on quitta le cimetière. Une poussière dorée s'élevait dans les pâles rayons du jour. La fin du psaume s'était gravée dans mon esprit. Il ne t'arrivera pas malheur, car il chargera ses anges de te garder en tout chemin. Mais que ferons-nous si les anges, comme les statues penchées sur ces tombes, se révèle aveugle, sourd et muet. Un nouvel enfant mordu au cou, le troisième en 24 heures, mordu au cou par un rat, un penny. Je vous le prends, mon garçon. Je suis pas ton garçon, un penny. Merci, petit homme. Mordu au cou par... Eh, n'est pas d'ici, son penny. Oh, le dandy, là. Mince, il a disparu dans la foule. Achetez la Gazette de Westminster. La Gazette de Westminster. Deux penny. Dracula est un ennemi redoutable. Il peut diriger les éléments en tempête, brouillard, éclair ou en un clin d'œil, se volatiliser pour devenir une ombre. Ce prédateur a parti lié avec le démon. Merci, Mina. Pourquoi est-il venu à Londres ? Pour le sang, Jonathan. Le sang humain est la nourriture des vampires. Lorsqu'elle se raréfie chez eux, ils émigrent. L'Angleterre est un pressoir à vin débordant de sang neuf. Lucy se trouvait en villégiature à Whitby lorsque Dracula est entré dans le port. Elle fut sa première victime. À présent, ce sont les enfants de Hampstead. Nous devons le détruire. N'est-il pas... invincible? Non. Il se régénère en dormant, le jour, dans la terre de ses ancêtres. Les cercueils qu'il a fait venir. Si nous pouvions le surprendre dans son sommeil... Il serait à notre merci. Ces cercueils, nous pouvons les localiser. Le comte a acquis sous différents noms deux propriétés où les cercueils ont dû être livrés. L'abbaye de Carfax et une maison à Piccadilly. En plein cœur de Londres. Où est-il en ce moment? Partout. Et nulle part. Dans l'air et la terre, l'eau et le feu. Il se prépare à accroître ses rangs. Les vampires ne peuvent pas se reproduire. Leurs enfants naissent morts-nés. Alors, pour se multiplier, ils utilisent... Écartez-vous ! Les gamins du quartier. Je soigne leur famille gratuitement et ils brisent mes carreaux. Leur façon de me remercier. Vous alliez dire, professeur, les vampires utilisent... Les liens du mariage et de l'amour. Je ne comprends pas. Leur morsure ne tue pas. Elle soustrait à la communauté des hommes et l'on devient un non-mort. Privé de vie éternelle, tourmenté ici-bas d'une soif insatiable, une créature de la nuit qui boit le sang de ses proches. Comme Lucie voulait boire le sang d'Arthur. Et le vôtre, Mina. Car vous êtes aimée d'un large cercle. Le vampire veut entrer dans ce cercle. Nous le détruirons bien avant. Mais s'il est plus rapide, s'il trompe notre vigilance, saurons-nous résister à la tentation? La tentation? De suivre ce qu'on aime. Les suivre s'ils deviennent non-morts. Les voies de la compassion poussent à d'étranges extrémités. D'odieux sacrifices. Cela ne m'arrivera pas. Non, puisque Lucie n'est plus. Mais Mina? Jonathan? Nous résisterons. Je peux parler pour elle. En êtes-vous sûr? Il peut parler pour moi. Alors, donnez vos mains et formons un cercle. Répétez après moi. S'il tombe 1000 fidèles à ma gauche et 10 000 à ma droite. S'il tombe 1000 fidèles à ma gauche et 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint. Je faisais partie du cercle, mais j'avais l'impression de rester en dehors. Je ne serai pas atteint. Était-ce parce que la main de Jonathan était moite et comme... inanimé? Je ne serai pas atteint. Ou parce que l'image d'une tête de femme étouffant dans un suaire ne quittait plus mon esprit. Mina? Je ne serai pas atteinte. Il est temps. Allons-y! Thank you. Notre troupe se mit à l'ouvrage. Dans l'abbaye de Carfax, des dizaines de cercueils s'entassaient au milieu de la crypte. La rage accumulée nous fit détruire dans une orgie de coups de piolet les caisses de terre où Dracula se réfugiait le jour. Nous les brisions comme des cageots de fruits et les rats en sortaient. Ils pullulaient dans ce terreau que Van Helsing aspergeait d'eau bénite. Cette terre a bu le sang des Saxons et des Turcs. Elle ne boira pas le mien, foi de Van Helsing. Ni le mien, ni le mien. Laissant les hommes entre eux, je m'aventurai au fond de la crypte. Ne voyant plus de cercueil à briser, je soulevais dans un geste dément une statuette renversée et la projetais contre le vitrail. Lorsqu'elle retomba, je murmurai « Seigneur, mon roc et mon défenseur ». J'avais brisé, sans le vouloir, une effigie de la Vierge. Je me tournai vers Van Helsing, son front s'était accru d'une ride. Dracula n'est pas ici. Il manque un cercueil. Le 50e. Jonathan et Arthur allèrent fouiller la maison de Piccadilly à la recherche du dernier cercueil. Van Helsing me ramena en fiacre. La pluie tombait à verse. Mes paupières étaient lourdes. Je me suis assoupie. Je n'entendais plus la pluie, mais une mélodie étrange. Celle qui m'avait hantée à Budapest. Bientôt, le fredonnement s'arrêta et une phrase, un lancinant présage, me parvint à travers le sommeil. Lorsque l'eau ruissellera sur le pas de ta porte, tu devras choisir entre laisser mourir et laisser naître. J'essayais de me répéter ces paroles, mais le retour de la pluie embrouilla le souvenir. Vous n'étiez pas avec nous. Mes paupières s'ouvrirent. Van Helsing me dévisageait. Ce matin, dans le cercle, je vous observais. J'étais avec vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous êtes absente de votre mariage, Mina. Cela ne me regarde pas sur un plan personnel. Mais pour lutter contre le vampire, nous avons besoin de tout l'amour que vous portez à Jonathan et de tout l'amour qu'il vous porte. Que savez-vous de l'amour, professeur? J'ai aimé dans ma jeunesse. Que savez-vous des femmes? J'en ai hypnotisé un bon nombre. Les avez-vous aimées? Je les ai tenues à l'écart des mauvais chemins. Les mauvais chemins? Vous êtes arrivés chez vous. Quels sont les bons chemins? Calfeutrez-vous et dormez. Professeur! Cocher! À Piccadilly! Vieux ronchon. Dans ma chambre, les rideaux, comme les voiles d'un navire, étaient gonflés par la brise. Je fermais la fenêtre et m'allongeais sans même ôter ma robe. Le sommeil vint très vite. Nous sommes seuls, Mina Harker. Entre nous, les cloisons et les murs sont des fétus de paille. À travers eux, j'entends battre ton jeune sang. La terre de mes ancêtres est un compost où je suffoque. Le sang des autres, un breuvage insipide. Tout me fuit, tout me soulève le cœur, et mes nuits s'étirent comme des siècles. Ton souffle me redonne vie, paupières. Pétales, lèvres, rosées, Mina, aurore où je me couche, chair de ma chair, sang de mon sang. Thank you. bientôt 4 heures. Dracula ne viendra pas cette nuit. Nous devrions rentrer. Docteur Seward. Vous pouvez m'appeler Arthur, Jonathan. Arthur, je m'en veux. Ce que vous avez dû faire à Lucie, à votre fiancée, c'est moi qui aurais dû tenir ce couteau. Je suis un homme de science. Quand j'ai vu son visage se tordre, je n'ai plus pensé qu'au mal à éradiquer. Le plus dur sera sans doute dans les jours à venir, devant ces jeunes couples qui se tiennent la main dans ma salle d'attente, voulant que je rassure, guérisse, réconforte, que je leur annonce d'une formule enjouée que l'avenir est à eux. Vous en voyez beaucoup, des jeunes mariés ? Des jeunes épouses, surtout. Les maris n'aiment pas consulter. Je voulais vous demander, Mina et moi... Cela restera entre nous, Jonathan. Depuis notre mariage à Budapest, Mina est réticente à... Y a-t-il un moyen, sans la brusquer ? Ah. Bien sûr, je peux patienter avec ce qui arrive depuis... Non, c'est naturel. Vous attendez de Mina... Un réconfort. Absolument. Il existe un moyen. Les femmes, dans l'abandon où on les trouve à l'aube... Oui ? À cette heure indécise, au petit matin... Oui ? Elles perdent leur prévention. Et tout semble se produire comme dans un rêve. Un rêve ? Un rêve fulgurant. Les hommes font cela ? Plus souvent que vous ne croyez, Jonathan. Un rêve ? Essayez. Essayez. Van Helsing, vous êtes fou ! Pourquoi l'avez-vous giflé ? C'est la meilleure façon de la réveiller. La réveiller ? Êtes-vous avec nous, Mina ? Êtes-vous avec nous en ce moment ? Je suis... Savez-vous où nous sommes ? Dans le cabinet du docteur Seward. Et que faisons-nous ? Je l'ignore. Enfin, Mina ! Elle n'a aucun souvenir de ce qu'elle a fait, ni de ce que nous disions. Je lui trouvais un air étrange ce matin. J'ai attribué cela au manque de sommeil. J'ai dormi à point fermé. Elle a si bien dormi... qu'on lui a rendu visite. Qui t'a rendu visite ? Mina ! Il est aisé de le deviner. Aux plaies sur sa gorge. Les morsures. Nous n'aurions pas dû la laisser seule. Elle est en partie avec nous, et en partie avec le vampire. Sainte Mère de Jésus. Jonathan, éloignez-vous. Je ne peux pas la laisser. Vous ne voyez pas ses dents pointues comme des crocs ? Si nous ne faisons rien, dans 48 heures, elle sera non morte. Une fiancée de plus pour Dracula. Il entre. Un peu trop de lumière. Vous ne trouvez pas ? Je vais le réduire en poussière, oui. Mais pour cela, nous devons trouver le cercueil manquant. Il n'était pas à Piccadilly. Nous avons fouillé la demeure de fond en comble, y compris la chapelle souterraine. Une crypte déserte. Le comte serait-il retourné en Transylvanie ? Lui ? Battre en retraite ? Il a pu embarquer n'importe où, au port de Londres ou à Grimsby, dans le dernier cercueil rempli de terre. Nous devons télégraphier dans les ports, faire fouiller les navires en partance pour la mer Noire. Pas si vite, gentlemen. Il y a... un autre moyen. Lequel ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Que voyez-vous en ce moment, Mina ? Un pendule en or. Il oscille au-dessus de moi. Et qu'entendez-vous ? Un sifflement. Une vapeur s'élevant dans des cylindres. C'est ce qu'on craignait. Il a pris la mer. Taisez-vous ! Laissez-la parler. Et des clapotis ? Mina ? Percevez-vous des clapotis ? Il n'y a pas de clapotis à Piccadilly. Piccadilly, il y est encore. Mais un souffle lugubre dans une crypte déserte. Vous avez fouillé la demeure de fond en comble, disiez-vous ? Arthur était avec moi ! Vous avez des yeux, gentlemen, mais vous n'avez pas d'oreilles. Debout, Mina ! Nous allons à Piccadilly ! Prenez la lanterne, Seward. Rappelez-vous, il peut être nulle part et partout. Un rat dans cette chapelle, une chauve-souris, sous cette voûte, un hibou devant cette lucarne. Professeur, pourquoi venir ici avec Mina? Laissez-moi la ramener. Je ne veux pas qu'on me ramène. Jonathan a raison. Elle s'affaiblit d'heure en heure et nous la jetons en pâture. Elle n'est pas une pâture, mais un hameçon. Comment? Lâchez sa main, Jonathan. Laissez-la humer l'atmosphère. Ne crains rien. Je reste sur mes gardes. Et vous êtes armés. Quand il fait jour, le vampire est privé de ses pouvoirs. Mais dans cette crypte, hormis un pâle rayon de lumière, il fait nuit. C'est un risque à courir. Placez-vous au centre, Mina. Fermez les yeux. Et dites-nous ce que vous percevez. Regardez, sous la voûte, les planches du cercueil. Aucune trace de terre. Mina? J'entends le souffle de l'orbe. Nous pouvons tous l'entendre. Et vos voix, dans la crypte? Nous sommes à tes côtés. Mina! Vous n'êtes pas si près. La lanterne s'est éteinte. Voix, assourdie par la terre. Terre de mes ancêtres. Mina. Elle marche comme une somnambule. Chut. Terre où je suffoque. Je ne la vois plus. Où est-elle? Mais retenez-la! Tenez-vous prêt. Aurore, où je me couche. Chère de ma chair. C'est pas, se dirige vers... Dracula est couché dans l'orgue. Elle ouvre le coffre. Sang de mon sang! Mina! Écartez-vous! Non! Ne le touchez pas. Mina? Il est à moi. Pour l'éternité. Prends ma main. Mina! Ne tendez pas votre main! Il ne peut sortir sans votre invitation. Tes sœurs t'attendent. Rejoins-nous dans les ténèbres et la nuit. Arthur, votre couteau! Rejoins-moi. Mina! Attrapez! Et Van Helsing, que faites-vous? Vous lui avez mis le couteau en main. Que nos doigts s'entrelacent. Dracula va s'en saisir. Pour l'éternité. À l'instant où les doigts glacés de Dracula se mêlèrent aux miens pour empoigner la lame, le pâle rayon de lumière qui tombait dans la crypte glissa sur son visage. Mes yeux plongèrent dans les siens. Et je vis ce qu'était pour lui l'éternité. Une portée infinie où les mêmes notes s'égrènent. Une mélodie atrophiée. La morsure du temps qui ne passe pas. Je sus à cet instant que je pouvais échapper à son emprise. Que je ne désirais pas l'éternité. Mais transmettre la vie. La confier à d'autres après moi. J'enfonçais la lame au plus profond de son cœur. Je l'enfonçais sans rage, avec la paix que l'on éprouve à voir une âme qui se libère. Un sang chaud, une sève bouillante coula sur mes doigts, et sans lâcher le couteau, je songeais dans ces effluves sucrées aux longs baisers que nous échangions, Lucie et moi. Le corps de Dracula tomba en poussière. Le souffle mourut dans les tuyaux. Et ce fut le silence. presque. Gentlemen, well done. La Gazette de Westminster! Achetez la Gazette de Westminster! Un penny! Le droit de vote accordé aux femmes dans l'État du Colorado. Le droit de vote aux femmes! Un penny! La Chambre des Lords est choquée! Le Royaume-Uni ne sera pas Far West! Achetez la Gazette de Westminster! Le droit de vote aux femmes dans le Colorado. Tu as entendu, Mina? Jonathan? Qu'en dirait Van Helsing? C'est qu'il me manque, ce vieux ronchon, depuis qu'il est reparti à Amsterdam. Il ne te manque pas. Jonathan, je suis enceinte. Mina! Mina! Tu n'es pas heureuse? Si. Si, mais... Mais quoi? Qui est-ce? Notre nouvelle gardienne. Je l'ai croisée en montant. Elle savonne le pas de notre porte. Ah. Jonathan, comment est-ce possible? Ni à Budapest, ni depuis que nous sommes rentrés... Les morsures ont disparu sur ta gorge. Arrête. Depuis combien de temps es-tu enceinte? 20 jours, peut-être. Eh bien, des choses peuvent arriver. À l'aube, sans qu'on y prenne garde. Tu ne crois pas? Oui, sans doute. Le droit de vote aux femmes dans le Colorado. D'où vient-elle? Je pensais pas que je connaîtrais ça de mon vivant. D'où vient cette femme, Jonathan? Et quelle femme? La gardienne. Je ne lui ai pas demandé. C'est la première fois que je la vois. Mais, Mina, où vas-tu? Je me suis approchée de la porte. C'était la même mélodie. Cet air étrange que j'avais entendu à Budapest. Et l'autre nuit, en m'assoupissant dans le fiacre. Les paroles de la bohémienne me revinrent. Lorsque l'eau ruissellera sur le pas de ta porte, tu devras choisir entre laisser mourir et laisser naître. Je vis un cercle liquide s'élargir sur le seuil. Le fredonnement s'arrêta. La porte était entrouverte. Tout en scrutant l'embrasure, je posais mes mains sur mon ventre. Qui est là? Dracula, de Bram Stoker. Librement adapté par Stéphane Michaka. Avec l'Orchestre National de France. Mina, Maud Le Grévelec. Van Helsing, Yann Colette. Jonathan, Laurent Poitrenaud. Dracula, Féodor Atkin. Le Capitaine, Jean-Claude Dauphin. Lucie, Delphine Cognard. Arthur, Thibault Lacour. La bohémienne, Estelle Meyer. Le crieur, Jules Garot. Musique originale et direction d'orchestre, Didier Benetti. Musicien metteur en onde, Paul Malinowski, Elsa Biston. Prise de son musicale, Pierre Monteil. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Caroline Ouazana. Prise de son, Pierrick Charles, Émilie Couette, Martin Delafosse, Éric Villenfin, Déborah Dagobert. Sonorisation, Frédéric Changenet, Célia Dufour. Lumière, Éric Paringo, Isa Bureau, Fabien Loiselier. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossir. Une coproduction Orchestre National de France, France Culture, Service des Fictions.